بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش. ولعل سؤالا يتطرق إلى أذهان كثير من الصائمين بعد أن ذكرنا أن الصائم ينبغي أن يجتنب كل المحرمات من الطعام والشراب واللباس والأخلاق والمعاملات، فعلى الصائم أن يجتنب المحرمات حال صيامه أكثر من اجتنابها حال فطره، وإلا فالواجب الاجتناب دائما وأبدا، فيجتنب الزنا والربا والكذب والغيبة والنميمة والأخلاق السيئة والحسد والكبر والعجب وما إلى ذلك من الأخلاق السيئة دائما وأبدا، وفي الصيام أوكد وأوكد، لأنه في الصيام امتنع عن أمور هي في الأصل حلال له، فكيف يجتنب الحلال الأصلي ولا يجتنب الحرام الأصلي؟ دونك دون الحديث ستي سيكي تحديث تونتيك شدارمي أنسك بن ماجة إي Le messager d'Allah a dit « Il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. Il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que le fait d'avoir subi la soif, d'avoir subi la faim. » Et il y a là une question qui peut fleurir l'esprit de certains parmi nous. Après avoir cité lors de la dernière assise ce qu'Allah Après avoir cité ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de délaisser durant la journée de Ramadan, la nourriture, les rapports conjugaux, les boissons et leurs substituts, qui sont les annulatifs, ce qu'on vient de citer, ce sont les annulatifs concrètes. Et nous avons dit qu'il est obligatoire aussi que le jeûneur doit aussi délaisser, s'éloigner des annulatifs symboliques, qui sont toutes sortes de mauvais comportements, le mensonge, la médisance, le colportage, l'orgueil, le fait d'être imbu de soi-même. Ces choses, le jeûneur doit s'en éloigner durant toute l'année. Mais durant le mois de Ramadan, l'interdiction est encore plus forte. Médite ce hadith cité auparavant. Il se peut qu'un jeûneur n'en récolte de son jeûne que la faim et la soif. Pourquoi ? Parce qu'il est tombé dans les annulatifs symboliques, qui sont le mensonge et le reste. Et il est obligatoire aux musulmans, durant toute sa vie, de s'éloigner de l'adultère, de l'usure, du mensonge, de la médisance, du colportage, toutes sortes de mauvais comportements, de la jalousie, de l'orgueil, d'être imbu de sa personne, et toutes sortes de mauvais comportements, et durant Ramadan, durant toute la vie, et durant toute l'année, et durant Ramadan, c'est encore plus recommandé, fortement obligatoire. Car durant le jeûne, le jeûneur s'est abstenu des choses qui lui sont à la base licites. Comme il s'est abstenu de choses licites, il doit s'abstenir de ce qui ne l'est pas à la base. Il s'est abstenu de ce qui est illicite durant sa journée de Ramadan. La boisson et la bouffe. Dans ce qui est interdit à la base, il doit s'en abstenir, il doit s'en éloigner. والسؤال الذي يطرح نفسه هذا الذي يكذب أو يغتاب أو ينم أو يزني عاذنا الله من ذلك أو يشرب الخمر أو ينظر إلى النساء الأجنبيات النظر المحرم أو يردد النظر وما إلى ذلك من الأمور المحرمة، هل صيامه فاسد؟ الجواب لا، صيامه ليس فاسدا، ولكن قد لا يبقى له من أجر صيامه شيء، ينقص أجر صيامه شيئا فشيئا حتى لا يبقى له منه شيء، يكون قد أدى الفريضة ولكن لا أجر له. من جهة نقول لا نقول إن صيامه قد فسد، واحد يقول الغيبة تفسد الصيام، لا، الغيبة تنقص أجر الصيام لكنها لا تفسده، وقد تذهب بأجر الصيام كله فلا يبقى للصائم شيء من أجر الصيام، كما جاء في الأثر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن على الصائم أن يجتنب كل هذه الأخلاق الرذيلة، وكما مر في الأحاديث إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، ها، وهل يجوز له الرفث وهو مفطر؟ أبدا. لكن هنا في الصيام أوكد فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله بل يرتفع الصائم إلى مستوى عالي إلى الأكمل والأفضل الذي هو عدم الإساءة وعدم رد الإساءة بمثلها، مع أن هذا في الأصل جائز، قال عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ضربك يجوز لك أن تضربه، يجوز هذا في الأصل، لكن الصائم لا بد أن يكون في حاله أعلى من هذا، فإذا اعتدى عليك معتد فلا ترد العدوان بل تقول أنا صائم، أي صيامي يمنعني أن أنزل إلى مستواك. تأمل كيف الصيام الحقيقي يرفع مستوى الإنسان ويجعله في تلك الرتبة العالية التي هي رتبة الأكمل والأفضل. الصائم يسمو بنفسه ويرقى بنفسه عن أن ينزل بنفسه لهذا المستوى الدنيء. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Donc la question qui se pose, celui qui ment, celui qui médit, celui qui colporte, ou qui commet zina, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, ou boit de l'alcool, ou fixe du regard, l'ajnabiyat, il se rince les yeux dessus, et autres mauvais actes interdits. Est-ce que son jeûne est annulé? La réponse est non. Son jeûne n'a pas été annulé. Mais il se peut qu'il ne lui reste plus de récompense de son jeûne. La récompense de son jeûne diminue petit à petit avec les péchés, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement, jusqu'à ce qu'il reste plus rien de ses récompenses. Il a accompli le devoir de jeûner, mais il n'aura pas de récompense. Sa récompense ne cesse de diminuer avec les péchés qu'il aura commis, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Comme il est dans le hadith qui nous dit « Il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. » Il a eu faim, il a eu soif, mais la récompense, il est parti. Il est parti, ce sont les péchés qui l'ont détruite. Donc on ne dit pas que son jeûne est annulé. Et d'autre part, ses récompenses vont diminuer ou disparaître. D'un côté, on ne dit pas que son jeûne est annulé, mais de l'autre côté, une partie de ses récompenses, ou une grande partie, ou toutes ses récompenses vont être anéanties complètement par les péchés qu'il aura accomplis. Si quelqu'un se dit, est-ce que la médisance annule le jeûne? La réponse est non. Mais il diminue les récompenses, ou il les efface complètement. Le hadith, il est clair. Donc, il est du devoir du jeûneur d'éviter tous ses mauvais comportements. Pour les preuves citées auparavant et celles qui vont suivre, قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخب فإن سابه أحدنا وقاتله فليقل إني صائم. سلو أبو هريرة الحديث غبورتي قال الإمام البخاري والإمام مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûneur du jeûne, ne soyez pas grossier, ne draguez pas, et si quelqu'un vous insulte, ou cherche à se bagarrer avec vous, à se battre avec vous, dites, je suis en état de jeûne. Dans le hadith, il y a qu'il ne drague pas. Est-ce que maintenant, le fait de draguer les filles, est-ce que ceci est autorisé en dehors du mois de Ramadan? Abadan. Mais durant le mois de Ramadan, ceci est fortement interdit, encore plus que durant le reste de l'année. Il est interdit, mais là c'est encore plus. L'interdiction est beaucoup plus forte. Le hadith nous dit qu'il ne drague pas, qu'il ne soit pas grossier. Et si quelqu'un veut se battre avec lui, il lui dit « je suis en état de jeûne ». Donc le jeûneur doit s'élever à un degré plus haut au niveau de son comportement. Hein? On ne répondant pas au mal par le mal. Alors qu'à la base, cela est permis. Le verset dans sa traduction approximative du sens nous dit « Quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Celui qui te frappe, il est permis à la base que tu lui rendes la monnaie. Mais le jeûneur doit s'élever à un haut degré quand quelqu'un transgresse contre lui, ou l'agresse, il ne lui répond pas de la même façon. Mais il dit, je suis en état de jeûne. Ce qui veut dire, mon jeûne m'empêche de descendre à ton niveau. Mon jeûne m'interdit de répondre à ton mauvais comportement et à ta mauvaise façon de faire. Méditez comment le vrai jeûne élève l'être humain à un degré très élevé, au degré où il ne répond pas au mal par le mal. Donc, le jeûneur se doit d'élever son âme et de ne pas la faire tomber au niveau des transgresseurs et des grossiers. Nous avons aussi le hadith authentique chez l'imam Bukhari qui nous dit, selon Abu Hurair radiallahu anhu arda, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne renonce pas à pratiquer le faux zour, c'est-à-dire le faux témoignage, à écouter les chansons, à faire de la musique, à mentir, à médire, tout ceci rentre dans le terme zor. Celui qui ne délaisse pas zor, Allah, et qui le pratique, Allah n'a nul besoin de le voir renoncer à la boisson et à la nourriture. وهذا الحديث يقول في أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وهو حديث عند الحاكم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. Selon Abu Hurair رضي الله عنه وارضاه الرسول صلى الله عليه وسلم a dit le jeûne ce n'est pas le fait de s'abstenir de la nourriture et de la boisson, mais le jeûne c'est plutôt l'abstention des propos futiles et obscènes et de la drague. Et si quelqu'un t'insulte ou t'importune, dis je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. Donc, d'où le sévère avertissement adressé à l'égard de ceux qui adoptent ce genre de mauvais comportements et de mauvaises attitudes. Le véridique qui n'indique que la vérité, alayhi salatu wassalam, qui n'a jamais parlé sur l'effet des passions, alayhi salatu wassalam, a dit « Rabba sa'imin ». ليس حظه من صيامه إلا الجوع والعطش. Il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. Donc, tu dois faire très attention à ton jeûne. Cela est dû au fait que celui-ci n'a pas saisi le véritable sens du jeûne qu'Allah nous a prescrit. Et par conséquent, Allah le punit en le privant de la récompense du jeûne. C'est pourquoi les savants parmi nos pieux prédécesseurs d'Allah Alim ont fait la part des choses entre l'interdiction qui est relatif à un acte d'adoration et qui l'annule, et celle qui ne l'annule pas, mais qui diminue ses récompenses. Il ne l'annule pas, mais il diminue ses récompenses, et peut-être même il va faire anéantir toutes les récompenses, et il n'y en aura plus. فمن الواجب علينا الامتناع عن اللهو المحرم كآلات الطرب وكالنظر إلى الأجنبيات والنظر إلى ما يغضب الله عز وجل عبر شاشات التلفاز أو عبر شاشة الحيسوب أو عبر شاشة الهواتف والنظر إلى الرقص والعري والاختلاط والفجور وإياك إياك أخ الإسلام من الانخداع بما يسمونه بالتمثيليات الإسلامية أو المسلسلات الدينية أو الأفلام الدينية أو الأناشيد الإسلامية فإنما هي خطوات من خطوات الشيطان كالسم في العسل من منا يرضى لأمه أو زوجته أو أخته أو ابنته أن تمثل مع رجل آخر بحجة أنه غرض نبيل أنه غرض إسلامي فالحذر الحذر من خطوات الشيطان وليحذر الصائم من رذائل الأخلاق والذي لا يفهم هذه الأمور فلا حد له من صيامه إلا الجوع والعطش. Donc il est de notre devoir donc pendant le Ramadan et en dehors du mois de Ramadan et pendant le mois de Ramadan c'est encore fortement recommandé de s'éloigner de tout ce qu'Allah, de tout ce qui est haram dans la religion d'Allah. La musique, les chansons, les instruments de musique, ziyouter les femmes ajnabiyat. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas à la télé ou sur le PC ou les téléphones portables ou autres. Attention, on ne doit pas se faire avoir par ce qu'ils appellent les feuilletons, ou les films, ou les pièces de théâtre, ou la mode islamique. Ils n'ont rien de l'islam. Abadan akhal islam. C'est une da'wa satanique. C'est une da'wa du shaitan qui mène vers ce qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas. C'est du miel dans lequel il y a du poison. Qui parmi nous accepterait que sa mère, ou sa femme, ou sa fille, ou sa sœur, joue un rôle, et se trouve dans les bras d'un autre homme. Même si c'est pour une bonne cause, même si c'est pour la da'wa, ou pour faire connaître l'islam ou autre, comme ces insensés le prétendent. Attention aux voix du shaitan. En tant que jeûneur, nous devons faire très attention aux mauvais comportements. Et celui qui n'a pas compris ces choses, il n'aura de son jeûne que la soif et la faim, et rien d'autre. قال المبعوث رحمة للعالمين إذا كان أحدكم صائما فلا يرفض ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم رواه البخاري. والمقصود بقوله لا يجهل كل ما نهى عنه الله ورسوله من رذائل الأخلاق فهو من الجهالة. نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول الصائم إني صائم لمن يخاصمه، وهذا خلاف ما يفعله كثير من الصائمين، فتجد أحدهم يسيء إلى الناس ثم يعتذر عن ذلك بأنه صائم، أو تسمع آخرين اتركه إنه لم يشرب شزارة طوال اليوم، وكأن الصيام هو السبب في خروجه عن شعوره، خلافا لما في هذا الحديث من أن الصوم يكبح جماح الإنسان ويمكنه من ضبط نفسه ويمنعها من رد الإساءة بمثلها، مما يدلك على أن صيام كثير من الناس أصبح مجرد عادة، والله المستعان. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, visibles et invisibles, n'a-t-il pas dit, lors du jeûne, lors du jeûne du jeûneur, le jeûneur ne doit pas être grossier, ne doit pas draguer, ne doit pas être tapageur. Et si quelqu'un l'insulte, veut se battre avec, qu'il dit « je suis en état de jeûne ». Le but de ce hadith, c'est de s'éloigner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont interdit. Le messager d'Allah nous a orientés et appris comment faire face aux stupides et aux insensés qui nous insultent ou cherchent la bagarre en répondant à leurs mauvais actes par « je suis en état de jeûne ». Pour attirer l'attention de celui-là et lui faire prendre conscience que son jeûne doit le freiner du mal, il doit l'éloigner du mal. Et ceci est le contraire de ce que font beaucoup qui se comportent mal avec les gens sur les places du marché et dans les quartiers. Et après le prétexte qu'ils sont en état de jeûne, et tu entends d'autres dire, il manque de nicotine, il n'a pas fumé durant sa journée, il n'a pas eu son joint, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Comme si c'est le jeûne qui lui a ôté sa conscience et son esprit. Et tout ceci est contraire aux enseignements de ce hadith qui nous apprend que le jeûne c'est un frein qui arrête l'être pour qu'il ne transgresse pas les limites d'Allah. Et c'est aussi un frein pour se maîtriser et pour ne pas répondre au mal par le mal. Et quand tu vois certains agissent contrairement au hadith, cela prouve que beaucoup n'ont pas compris la réalité du jeûne et les buts et les objectifs du jeûne et que le jeûne n'est qu'une habitude pour eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous donne la clairvoyance dans la religion. ونحذر إخوة الإسلام من أن ننساق إلى ما لا يحبه الله ولا يرضاه فترون كم تكثر هذه الدعوات إلى المسلسلات الدينية على القنوات وكم تكثر أنواع الملاهي على الشاشات الغربية والشرقية وكم تسمع من برامج ليالي رمضان عنوانها ليالي رمضان أعوذ بالله وفيما يعرض من هذه الأفلام والمسلسلات الدينية ترى امرأة تمثل دور صحابية جليلة فيها في هذا الفيلم على هذه الشاشة وعلى القناة الأخرى تراها تمثل دور الزانية عياذا بالله الفاجرة فانتبه أخي الإسلام ولا تنخدع بالأسماء مسلسلات دينية أفلام إسلامية أناشيد إسلامية هذا سم في عسل فيما مضى السنوات الماضية رؤيت ممثلة تلعب دور الشيماء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة على قناة وفي قناة أخرى تمثل دور زانية وكان يسمع من الصبيان أن الغناء ليس بحرام وعندما سئلوا عن ذلك قالوا رأينا الشيماء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغني وتنشد وتركض في الصحراء أرأيتم الشيماء؟ قالوا لا رأيناها في الفيلم إذن الموسيقى ليست بحرام وهذا ضرر المسلسلات على الكبار والصغار فكيف يمكن أن تفهم هذا الطفل الآن الذي رأى ممثلة دور الشيماء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغني كيف ستفهم أن الغناء حرام وأنت إذا ربيت أولادك وعلمتهم أن الغناء حرام عندما لا قدر الله في مكان ما يرون مثل هذا ماذا سيقع عندهم فهذا سم في عسل ولا يمكن أن تذوق العسل حتى تأخذ معه السم أبدا فإن الله سبحانه وتعالى سأن الله سبحانه وتعالى devons faire très attention. Il faut pas tomber dans ce que Allah سبحانه وتعالى n'aime pas et n'agrée pas durant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Vous remarquez qu'en ce mois béni, qui est le mois de Ramadan, le nombre de feuilletons qui augmente sur les chaînes de télé, soi-disant, feuilletons religieux, feuilletons islamiques, et le nombre de programmes de divertissement, même sur les chaînes européennes, les soirées de Ramadan, comme ils les appellent, et j'en passe, les théâtres, les pièces de théâtre musulmanes, et parmi ces feuilletons et ces films, soi-disant islamiques, tu vois l'actrice sur une chaîne en train de jouer le rôle d'une compagnon du prophète, alayhi salam. Tu regardes l'autre chaîne, la même actrice est en train de jouer le rôle d'une prostituée ou d'une boucherie. Fais attention à ton jeune, à l'islam. Ne te fais pas avoir par les noms. Théâtre musulman, cinéma musulman, mode musulman, c'est du poison dans du miel. Et tu ne peux pas goûter le miel sans avaler le poison. Et si tu avales le poison, khlas, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te guide pas, ton au-delà est ton jeu et ton bas monde aussi. Ton bonheur dans l'au-delà est parti et ton bonheur dans ce bas monde, khlas. Il y a quelques années, il y a un film, pendant le mois de Ramadan, un feuilleton sur la biographie du prophète. Une actrice jouait le rôle de Shaima, la sœur du lait du prophète, alayhi salam. Et tu entendais dans les rues, les enfants dire, les chansons ne sont pas haram. Quand ils ont été interrogés, qui vous a dit que les chansons ne sont pas haram, que la musique n'est pas haram? Ils ont répondu, nous avons vu Shaima, la sœur du lait du prophète, alayhi salam, chanter et courir dans le désert, cheveux en l'air, à la télé. Hein? Enfin, tu vois, à l'islam, le mal du feuilleton soi-disant islamique, comment tu vas faire comprendre maintenant à cet enfant qui a vu cet article, qui a vu cette actrice chanter, et donc si en jouant, soi-disant, le rôle du Shaima, comment après tu vas lui faire comprendre que la musique et les chants, c'est haram? Hein? Maintenant, si tu as même éduqué tes enfants sur que la musique, les chants sont haram, et que il se trouve que tu t'es retrouvé dans ta belle famille, ou dans ta famille, et que, hein, le jour de Ramadan, les feuilletons, pendant qu'ils prennent le fthor, les feuilletons, vas-y. Et ils tombent sur ce genre d'ânerie. Comment tu vas lui avaler en plus? Comment tu vas le prendre? Hein? Lui faire sortir tout ça de sa tête. Ben, ce n'est que du poison dans du miel. Et tu nous goûteras le miel qu'en goûtant le poison. Allah al-Musta'an. Fahatta, Muharrir al-Quds, Salah Dil Ayyubi, رحمه الله وغفر له جعلوا منه في بعض المسلسلات عاشقا والهانا صلاح الدين عاشق والهان أعوذ بالله وحتى هارون الرشيد رحمه الله جعلوا منه رجل ألف ليلة وليلة والرجل كان سنة يخصها للحج يذهب إلى الحج وسنة في الجهاد في سبيل الله رحمه الله تعالى وكان عنده ديوان لتربية الزنادقة ولعقابهم والمبتدعة دركات وحتى بعض المحدثين رحمة الله عليهم تلاعبوا بحياتهم في مسلسلاتهم وأدخلوا فيها المجون وليالي الرقص والعشق ويظهرون لك المحدث في ليلة مع الغانيات الزانيات مع الراقصات والعياذ بالله فمن هنا تعلم صحة تحذير المحققين من أهل العلم من هذه المسلسلات وهذه الأفلام وهذه التمثيليات وهذه الأناشد التي يزعمون أنها إسلامية كما يقولون. فكلام الناصحين الأمناء قوي في التحذير من هذه الترهات، ومن هنا تعلم شدة حقد أعداء الله على الإسلام، حيث استطاعوا غزو فكر بعض أبناء هذه الأمة فأصبحوا ينفذون ما أراد أعداء الله. فاحمد الله عز وجل إن عرفك الله سبحانه وتعالى بمنهج السلف الصالح، منهج رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. واعلم أن المقصود من هذه الحرب في الشرق وفي الغرب هو هذا الحصن الحصين، ألا وهو منهج رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، المنهج الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منهج النجاة، حيث قال فيه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهو المراد بكل هذه الحروب وكل هذه الشبهات. فاحذرك الإسلام، وإذا كان شياطين الجن قيدوا في رمضان وسلسلوا خلال هذا الشهر المبارك، فشياطين الإنس يقومون بالمهمة وبالعمل وزيادة. فهؤلاء من شياطين الإنس قبل رمضان بشهور يهيئون ما سيفسدون به على الناس صيامهم. فاحذر أخي الإسلام أن تنخدع بالمسميات، احذر واتق الله في دينك، واتق الله في ولا تقع فيما يغضب ربك سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أو في غيره، وتنساق وراء هذه الدعايات الكاذبة موضة دينية أفلام دينية وما إلى ذلك من الطرهات والخرافات. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. Même le libérateur de Jérusalem, Salah Dil Ayoubi, celui qu'ils appellent dans leur histoire Saladin, dans un feuilleton, ils en ont fait Roméo, l'amoureux perdu. Salah Din, un amoureux perdu, A'oudou Billah. Harun Rashid, le grand calife de la dynastie Abbaside, on fait de lui dans un feuilleton l'homme des mille et une nuits. Alors que, rahimahullah, il fait partie d'une chaîne de transmission dans les hadiths de Bukhari. Rahimahullah. Et, durant sa vie, il consacrait une année au combat sur le sentier de l'Allah, et l'autre année, il allait au pèlerinage. Il le présente aux musulmans comme dans des feuilletons. Et ce sont des musulmans qui font ça. Des réalisateurs soit musulmans. Il présente Harun Rashid comme l'homme des mille et une nuits. A'oudou billah. A'oudou billah. Cet homme qui, Harun Rashid, avait créé dans l'histoire musulmane la brigade. Brigade anti-bid'a. Brigade anti-perversité et anti-passion. Et il les prenait et il les mettait en prison et il recevait les corrections qu'il méritait. Et quand tu vois ce que propagent ces insensés, tu comprends que la guerre est trop forte contre la voie de la vérité. Et que tout ceci est fait pour éloigner la jeunesse musulmane et les musulmans de leur religion et de dénigrer les dînes de la communauté aux yeux de cette communauté musulmane et aux yeux de ses adeptes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même certains hommes du hadith, les metteurs en scène, ont fait n'importe quoi de leur vie dans leur feuilleton. Dans les scènes, dans certaines scènes, il les présente dans des soirées avec des danseuses et avec des prostituées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Même ce film avec lequel beaucoup ont été versés, Le Messager. Regarde les âneries qu'il n'y a pas. Et regarde les mensonges qu'il n'y a pas sur les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et comment ils représentent les compagnons. L'ayadan billah. Partant de là, tu comprends, akhal islam, le sévère avertissement émis par les savants dignes de la voix du plus prédisseur d'Allah alayhim. Ces sévères avertissements contre sifitulité, cinéma islamique, mode islamique, anachide islamique, théâtre islamique, etc. Et partant de là, t'apparaît la grande haine contre les ennemis d'Allah contre l'islam, au point où ils ont œuvré pendant plusieurs années, et ils ont sacrifié beaucoup de moyens et beaucoup d'argent pendant longtemps pour la formation d'une génération de cette communauté pour accomplir leur programme néfaste, leur programme de destruction de l'islam de l'intérieur. Loue Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, qui t'a fait connaître la voix de Muhammad alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Et sache que l'objectif de ces guerres et de ces ennemis d'Allah contre l'islam, à l'est et à l'ouest, ne concerne que cette voie, la voie du tipi prédisseur d'Allah alayhim. Celle qu'ils veulent détruire, aller en Orient et en Occident. Parce que c'est une voie qui les défie. D'où leur acharnement sur cette voie, car ils savent très bien, ils le savent mieux que certains musulmans, que c'est l'unique voie qui peut donner le triomphe et la suprématie à la communauté musulmane. D'où la parole du fondateur de l'État juif, qui a dit, si Ibn Taymiyyah était vivant, l'État juif n'aurait pas vu le jour. Si Ibn Taymiyyah était vivant, l'État juif n'aurait pas vu le jour. Ibn Taymiyyah était sur quelle voie? La voie faisait triompher. La voie d'Abu Bakr, la voie de Omar, et la voie du messager, alayhi salatu wassalam. Réveille-toi, akhal islam. N'oublie pas que c'est les démons et shayatin, djinns, sont enchaînés durant ce mois de Ramadan. Les shayatins humains accomplissent le travail plus. 6 mois avant Ramadan, ils préparaient déjà les programmes pour provoquer des lacunes dans le jeûne des gens et pour qu'ils leur diminuent les récompenses de leur jeûne avec toutes ces futilités. Programme spécial Ramadan, hein, est fait pour détourner les gens des buts et des objectifs de ce noble mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fabaramiju Ramadan ala al-qanawat al-fada'iyya arabiyatan kanatou ghayr arabiyya Allahu al-musta'an balagat min al-fasad wal-inhilal al-khuluqi ma Allahu bihi alim. وهذا كله لكي يفسدوا على الناس صيامهم وحتى الغربيون فهموا هذا ففي أواخر رمضان على بعض القنوات الفرنسية وغير الفرنسية تعرض برامج خاصة تسمى بليالي رمضان أما قاعة الأفراح والمقاعي والقاعة في بلدان المسلمين كالمغرب فحدث ولا حرج تصبح مكان لمهرجانات الموسيقى والعياذ بالله. Donc, les programmes sur les chaînes de télé atteint, qu'ils soient en Occident ou en Orient, dans les pays de l'islam ou en dehors, atteint un degré de libertinage dont les effets sont néfastes pour les grands, pour les petits, et tout ceci pour détruire et bien science des gens, pour détruire le aqidah, pour diminuer la valeur de leurs jeûnes et les récompenses de leurs jeûnes, pour les détourner de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour leur faire perdre complètement les récompenses du jeûne et des autres adorations. Même en Occident, ici ils ont compris cela. Et tu vois certaines chaînes vers les moments qui ont le plus de mérite durant ce mois, qui sont les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Il lance un programme spécial Ramadan. Spécial nuit de Ramadan. Hein? Dans les pays du Maghreb, alors là, Allahu Musta'an, surtout au Maroc, les salles de fête, les cafés, les parkings se transforment en lieu de concert durant les nuits de Ramadan, jusqu'à l'Fajr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فمن أكبر حكم الصيام التقوى والصيام يحمي صاحبه ويوقف عند حدود الله ومن العجب أنك عندما تركب المواصلات في بعض الدول الإسلامية تلاحظ شجارات وكذلك في بعض الساحات من ساحات المدن الإسلامية ترى هذه المشاجرات التي تقع والخصومات التي تقع ساعة قبل المغرب أو ساعتين أو أقل وبكل بساطة هذا يشتم هذا يصيح هذا يلعن هذا يضرب هذا يصرخ وعندما تتقرب من أحدهم تقول له اتق الله أنت صائم يقول لك أنا صائم سبحان الله الصيام هو الذي جعلك تفعل هذا تقول لا اتق الله يقول لك أنا صائم الصيام هو الذي دفعك إلى أن تفعل هذا المنكر وأن تتعدى حدود الله ورسولنا قال صلى الله عليه وسلم إن سابك أحد أو شتمك فقل إني صائم وهذا يقول أنا صائم لكي يعتذر عن قبح فعله هذا معناه أسيء لأني صائم الصيام دفعني إلى الإساءة العياذ بالله أعوذ بالله قلبت الموازين أما المدخنين فحدث عن أحوالهم ولا حرج ونسأل الله لنا لهم أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم مما ابتلوا به هكذا يسيئون ويعتدلون عند إساءة بالصيام عكست الأمور فالصيام الذي يفترض منه أن يحبس الإنسان عن الإساءة يؤخذ سبب للإساءة سب شتم لعن ضرب عياذا بالله أن الله سبحانه وتعالى parmi les plus grandes sagesses du jeûne c'est d'acquérir taqwa le vrai jeûne protège le jeûneur du dépassement des limites prescrites par Allah Azza wa Jal les shayatins humains utilisent tous les moyens pour détourner les gens de ce noble objectif qui est taqwa. Et parmi les scènes qui font très mal au cœur, dans certains pays de l'islam, tu prends le transport en commun et tu es surpris par les grossièretés de certains, par les disputes de certains, les insultes, aussi sur certaines places publiques. Les disputes, les grossièretés, les bagarres qui n'en finissent pas, ceci se passe une heure, ou deux heures, ou un peu moins, ou un peu plus, avant le coucher de soleil. Wallahu al-musta'an. Celui-là crie, celui-là frappe, celui-là hurle, celui-là insulte. Et si tu te rapproches de quelqu'un parmi eux en lui disant « Taqillah », il te répond « Ana sa'im, je suis en état de jeûne. » Wallahu al-musta'an. C'est le jeûne qui fait que tu sois agressif avec les gens. C'est le jeûne qui fait que tu hurles comme ça sur les gens. Alors que notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que si quelqu'un t'insulte ou te cherche ou te provoque ou t'importune, ta réponse doit être « Je suis en état de jeûne. » Je suis en état de jeûne tout simplement. Hein? Et cela tu dis, je suis en état de jeûne, comme si le jeûne est une excuse pour le mal qu'il est en train de commettre. Comme si le jeûne est une excuse pour les grossièretés qu'il fait. Tu vois que les repères ont chamboulé, et beaucoup ne comprennent pas le but de la religion, le but du jeûne, et les objectifs des adorations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposées. Concernant les fumeurs, les drogués, alors parle sans gêne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse de l'esclavage dans lequel ils sont tombés. Parce qu'ils sont réellement des esclaves, et des réels esclaves, à n'importe quoi, à ce qui fait leur perte dans ce bas monde et dans le-delà. Ils insultent et font du mal en prenant comme excuse le jeûne, alors que le jeûne, normalement, doit être un frein pour la personne. Il doit l'arrêter de ne pas commettre le blâmable, de ne pas insulter, de ne pas répondre au mal par le mal. Et chez les esclaves de la drogue et de la cigarette, et chez les désobéissants à Allah, il est une excuse pour frapper, pour insulter les autres et leur faire subir du préjudice. L'ayad al-billah. Wa la tahsabanna hadha at-tasarruf faqat fi ba'd as-sahat al-islamiyya. بل حولك في هذا المحيط الفرنسي والأوروبي. خذ مثلا ساحة فوسو الشين في لوبي أو وازم بليل أو لقود دور قبل أن تتغير والأحياء التي يسكنها المسلمون فتصدم بهذه الظاهرة الشتم واللعن وتسمع البعض يقول اتركه لم يشرب سيجارة طوال اليوم لم يأخذ مخدرا طوال اليوم والله المستعان. وهذا إن دل على شيء إنما يدل كما قال العلماء على أن كثيرين لا يفهمون حقيقة الصيام وأنهم يصومون عبادة عادة لا عبادة. Et ne crois pas, frère, en Allah subhanahu wa ta'ala, que ce que je viens de te dire, il est spécifique à certains pays de l'islam. Je l'ai vu ici, en Europe, sur certaines plages, comme la place Fosse-Chêne à Roubaix, comme la place Oisem à Lille, comme la Goutte d'Or et Barbès avant qu'ils soient renouvelés, avant qu'ils soient restaurés. Hein? À partir de l'Asr, tu entends des murs et des pas murs. Hein? L'Iyadan Billah. Et aussi, dans certains quartiers, dans certaines zuppes, où il y a une concentration de musulmans et de maghrébins, va voir ce que tu entends comme insulte, etc. Et tu entends les autres justifier la chose. Il n'a pas fumé sa cigarette, il n'a pas encore pris son joint, et ainsi de suite. Hein? Toutes ces grossièretés, tout le bruit qu'il fait, toute la zizanie qu'il crie dans le quartier, et on te dit, on lui trouve des excuses encore. Riyadan billah. Hein? Et les voisins non musulmans, alors là, disent, la saison de Ramadan est arrivée. Tu sais ce qu'elle veut dire? La saison de Ramadan est arrivée pour eux. Hein? Ce qui veut dire la saison du bruit la nuit et du silence le jour. Car cette catégorie de jeûneurs fait et dérange les autres durant la nuit, et le jour, il ronfle jusqu'à l'asr, au plus ou moins. Hein? D'où cette expression chez les non-musulmans dans les UP, hein? Les maghrébins font des ramdam. Là, il ne veut pas dire là, il jeûne. Là, le bruit, hein? La zizanie, le trouble. Voilà ce que ça veut dire. Wallahu al-musta'an. Et ainsi, regarde l'image qu'on donne, hein, de notre religion. Wallahu al-musta'an. Et si cela prouve quelque chose, il prouve, comme les savants l'ont dit, et qu'ils l'ont si bien expliqué que beaucoup n'ont pas compris la réalité du jeûne. Ils jeûnent, beaucoup jeûnent, tout simplement par coutume et par habitude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui jeûnent par adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et parmi ceux qui ont compris ce que c'est que le jeûne demandé par Allah azza wa jalla et instauré par Allah. J'a inda l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim wa l'lafzu lil-Bukhari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرء صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالأحاديث كثيرة تدل على أن كل من خالف الأخلاق الفاضلة يعتبر من الجهالة، فالصائم لا يجهل ولا يرفض ولا يصخب ولا يرفع صوته. فالمفروض أن الصيام يهذب الأخلاق ويهدئ الطباع، والصيام يمنع صاحبه من الوقوع في الشر. ونتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. الإمام البخاري رحمه الله ainsi que l'imam مسلم rapporte selon أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه que le messager صلى الله عليه وسلم a dit, Allah a dit, donc c'est un hadith qudsi dont la traduction approximative du sens de cette parole d'Allah nous dit: tout acte du fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne, car il est pour moi, et c'est moi qui le rétribuerai, c'est-à-dire pour le jeûne. Et le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. Et quand l'un de vous jeûne, il ne doit pas tenir de propos obscènes, ni crier, ni draguer. Et lorsque quelqu'un l'insulte, veut se battre avec lui, qu'il dise « Je jeûne ». Je jeûne. Et par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et il y aura deux joies pour le jeûneur lorsqu'il rompt le jeûne, et quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de son jeûne, c'est-à-dire des récompenses qui va découler de son jeûne. Les hadiths qui nous clarifie que celui qui ne délaisse pas les annulatifs symboliques, à savoir le mensonge, les grossièretés, la médisance, etc., Allah n'a pas besoin de son jeûne, ni de sa soif, ni de sa faim. Et ces hadiths sont nombreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nos adorations. C'est les adorations, si on les accomplit comme il se doit, c'est nous qui en profitons. Hein? Ils ont été instaurés pour qu'il nous prodigue du bien, pour qu'il nous prodigue le bonheur, dans ce bas monde et dans le delà. Hein? Ils ont été faits obligatoires par Allah et demandés à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce but, pour que nous, on en profite nous, dans ce bas monde et dans le delà. En les accomplissant par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et par sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah n'a pas besoin de son jeûne, ni de la soif, ni de sa soif, ni de sa faim. Ces hadiths sont nombreux qui stipulent que le jeûneur doit s'éloigner de toutes sortes de stupidités, de drague, de grossièreté. Le jeûne, akhar l'islam, est une éducation de l'âme. Le jeûne doit calmer et tempérer la personne. Le jeûne doit empêcher le jeûneur de faire du mal. Et qu'on se rappelle la parole de notre messager sallallahu alayhi wa sallam chez l'imam Bukhari: celui qui n'abandonne pas Zor, toute forme de blâmable, faux témoignage, chanson, drap, etc., et sa pratique, il n'a pas, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. فالصيام حكما هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، فمن حقق هذا فيقول أهل العلم أن صيامه صحيح من حيث الحكم، لكن هل قبل أم لا؟ هذا لا علم لنا به، مع أن الله بين لنا حكمة الصيام وهي التقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالذي لا يمتنع عن قول الزور وعن الجهالة وعن النميمة وعن النظر إلى ما حرم الله وعن الخصومة وعن الفجور وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، هذا يقول أهل العلم كما نص على ذلكم حديث الذي لا ينطق عن الهوى لا حد له من صيامه إلا الجوع والعطش، فهذا لم يستفيد من الصيام بل جاع وعطش. ها إذنك le jeûne au niveau de la législation, c'est l'abstention de la nourriture, de la boisson, des rapports conjugaux et de leurs substituts. Celui qui aura accompli cela, les savants, les hommes de science disent que son jeûne est valide au niveau législatif. Mais est-ce qu'il est accepté ou pas? Hein? On ne sait pas. Mais, alors qu'Allah nous a clarifié sur l'objectif du jeûne. Et c'est quoi l'objectif principal du jeûne? C'est taqwa. Le fait de me mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant les récompenses d'Allah. Et le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah. Ça, c'est l'objectif. Donc, celui qui n'abandonne pas le faux témoignage, les obscénités, les grossièretés, le colportage, fixer les ajamiyats, les ajnabiyats, les disputes, il s'accapare de l'argent des gens de façon frauduleuse. Hein? Tout ceci, c'est haram ou halal? Prends un autre cas, dans lequel on a beaucoup de confusion, où là on veut être dans la confusion. Ce qu'ils appellent le RSA ici. La personne travaille, s'arrange avec le patron, hein? Pour ne pas le déclarer ou pour déclarer peu, pour qu'il continue à avoir ses avantages sociaux qui sont prévus pour celui qui ne travaille pas. Hein? Et donc, le patron va tricher sur la fiche de paye, il va travailler peut-être 10 heures, il va lui mettre 3 heures par jour, il va lui mettre le minimum pour qu'il puisse garder son RSA. Et les allocs et la prime du logement, et j'en passe. Et donc, les deux, ils sont dans le halal ou dans le haram? Tout ce qu'ils font, c'est vrai ou faux? Et tout ce qui est basé sur du faux, il faut. Hein? Donc, il touche son salaire, plus. Hein? Le truc qu'il a eu par le trafic, et par le mensonge, et par des fausses déclarations. Et, parce que ceci est basé sur des fausses déclarations à l'administration. Et est-ce que ceci est autorisé par Allah? Ou là, ce sont nos passions qui parlent? Hein? Ou alors, encore pire, ayons fait sa hijra. Il continue de toucher les avantages sociaux. Ainsi, il donne un bâton à l'administration, hein, de le salir et de lui faire les comptes et de revenir sur plusieurs années. Hein. Combien d'histoires ont été relatées ces derniers temps, hein, au niveau des journaux, etc., sur des personnes qui sont dans certains pays en Afrique du Nord, et que maintenant l'État leur demande des 30 000 euros, des 80 000 euros, parce que pendant 5 ans, 6 ans, ils touchaient les RSA alors qu'ils ne sont pas là. Et ceci se passe comment? Avec une fausse déclaration. Cet argent, il est donné à celui qui est là pour l'aider à chercher du travail, ou il est donné à quelqu'un qui est parti? Hein? Et qu'on ne se leurre pas. Qu'on ne vive pas dans les nuages. Et qu'on ne cache pas le soleil, et qu'on n'essaye pas de cacher le soleil avec un tamis ou avec l'étoile d'araignée. Hein? La hijra est un noble acte d'adoration qui doit, comme tout acte d'adoration, être basé sur taqwa. Hein? C'est pour ça que ceux qui ne s'éloignent pas des annulatifs symboliques, les hommes de science disent, et leur parole, et la parole des hommes de science est conforme au hadith du messager, alayhi salatu wa salam, celui qui n'a jamais. Et leur parole est conforme à la sunna du messager alayhi salatu salam et aux paroles du messager alayhi salatu salam, celui qui n'a jamais parlé ou dit quelque chose sur l'effet des passions. Les hommes de science disent, partant de là, ceux-là n'ont de leur jeûne que la faim et la soif. Ce qui veut dire, ceux-là n'ont pas profité de leur jeûne, ils n'ont pas atteint l'objectif de leur jeûne qui est taqwa. Hein? L'objectif de jeûne, ils l'ont raté. Et le messager a été clair dans le hadith où il a dit, il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que la soif et la faim. Hein? C'est un avertissement. Et ceci doit attirer notre attention. فالصيام في الحقيقة له فائدة فوائدية ومن هذه الفوائد وقاية الإنسان من المعاصي والذنوب والآثام وهو حصن يتحصن به الإنسان ويتجنب به غضب الله وهو تزكية للنفس وتطهير لها ورفع لدرجاتها والصيام فرصة لزيادة الإيمان. Donc, en réalité, dans le jeûne, il y a beaucoup de leçons à retenir et beaucoup de points, beaucoup d'intérêts à acquérir. Et parmi les intérêts, c'est que le jeûne, c'est une protection. Il protège la personne de la désobéissance. Il le protège des péchés. Le jeûne est une citadelle dans laquelle il faut se réfugier en délaissant ce qui provoque la colère d'Allah et le châtiment d'Allah. Le jeûne est une purification de l'âme. Le jeûne est une élévation de celle-ci. Le jeûne a été légiféré pour augmenter la foi. Et non pas pour diminuer la foi. La foi augmente avec l'obéissance. Et diminue avec la désobéissance. Et parmi les objectifs du jeûne, c'est la reconnaissance. Al-Shukr. Parmi les objectifs du jeûne, c'est la reconnaissance et le remerciement des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est stipulé dans le verset. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. فمن فوائدها الشكر شكر النعمة كما جاء في الآية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dans le verset, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Et pour vous avoir, et pour que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissant, c'est-à-dire remerciant. Car la reconnaissance et le remerciement, c'est le but de la création. Le but de la création, c'est de remercier Allah, Azza wa Jal. Et d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Et il est dit dans le verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je ne crée les génies et les humains que pour me réserver le culte exclusivement. Et la réalité de la reconnaissance des bienfaits d'Allah et du remerciement des bienfaits d'Allah, c'est le fait d'accomplir taqwa, de mettre en application ses ordres, s'abstenir de ce qu'il a interdit. En réservant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La base et le fondement et la réalité du remerciement, c'est comme l'a défini Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Tariq al-Hijratayn. Premièrement, reconnaître la grâce avec laquelle Allah t'a comblé. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. se briser devant lui, subhanahu wa ta'ala. Hein? En étant soumis à lui. Celui qui ne reconnaît pas la grâce d'Allah et qui l'ignore, ne la remerciera pas. Et celui qui reconnaît la grâce d'Allah et ne connaît pas Allah, qui l'a comblé avec, ne le remerciera pas non plus. Et celui qui reconnaît la grâce d'Allah, qui l'a comblé avec, il est nié. Et comme celui qui renie les bienfaits de celui qui l'a comblé avec, il a été ingrat pour ce bienfait aussi. Et celui qui reconnaît la grâce d'Allah et reconnaît Allah qui l'a comblé avec, il la confirme et ne la renie pas, mais il ne se soumet pas à Allah, il ne l'aime pas, il ne l'agrée pas, celui-là aussi n'est pas reconnaissant de la grâce d'Allah. Et celui qui connaît, celui qui a, et celui qui connaît Allah, qui l'a comblé du bienfait, et se soumet à lui, il aime, l'agrée, et utilise son bienfait dans l'obéissance à Allah, et dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est celui-là qui remercie le bienfait d'Allah. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Le dernier, c'est celui qui connaît Allah, et qui connaît les grâces d'Allah, et qui aime Allah, et qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui le remercie pour les bienfaits. Hein? C'est le seul gagnant parmi tous ceux qui ont été cités auparavant. Parce qu'il connaît Allah, et il reconnaît les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala le concernant. Et il les utilise dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime agré. Et il aime Allah, il est soumis à Allah, il est obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Madaris Salikin, rahimahullah, il a dit ainsi, il apparaît clairement que le remerciement est basé sur 5 règles. La soumission du remerciant à celui qui le remercie, c'est-à-dire la soumission de l'être à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait, deuxièmement, deuxième règle, deuxième pilier, le fait d'aimer Allah. Troisième règle, le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah. La quatrième, le fait de louer Allah et de faire ses éloges, subhanahu wa ta'ala. Et la cinquième, c'est de ne pas utiliser les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dont ce qu'il n'aime pas, il n'agrée pas. Ce sont là les cinq règles et les cinq piliers, de la reconnaissance des bienfaits d'Allah et du remerciement des bienfaits d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui accomplissent ces cinq règles. Et il dit, rahmatullah alayh, ce sont là les cinq règles qui sont la base et la fondation du remerciement. Quand une règle manque, il y a des lacunes dans le remerciement. Et il y a des failles dans le remerciement. Et tous ceux qui ont parlé et défini le remerciement, leurs paroles et leurs définitions reviennent à ces cinq règles. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا